elle est où le, l'esprit de Dieu est, elle est où la dispensation de l'esprit s'accomplit. Mm-hmm. Ça, c'est la maison du royaume. Voilà. Ok. Voilà. Maintenant, ça, c'est d'un. Il a dit aussi, pour accomplir Apocalypse 12, le verset 14, qui tient encore lieu d'une promesse que Jésus-Christ a faite et qui devait s'accomplir en cet âge où nous sommes, non, du moins, s'accomplir en un âme futur par rapport au temps où il a parlé. De trois, ceci vient encore en accomplissement de Daniel 12, le verset 8 à 10, qui est le message de purification, de blanchissement et de épurer. Et voilà, que Daniel a annoncé. Maintenant, c'est un message, en fait, qui vient pour la séparation. C'est une séparation. Et maintenant, comme vous voyez, les Bibles, ça veut dire quoi? Quand Jésus l'a dit, maintenant, pourquoi Jésus l'a dit? D'abord, quand Dieu parle, on ne dit pas, Seigneur, quelles sont les raisons? Parce que Dieu a toujours raison. Absolument. Voilà. Absolument. Maintenant, Dieu, dans son amour, comme il faisait avec ses disciples, avec ses apôtres et les disciples, il peut dire, telle chose signifie, parce que parfois les disciples peuvent avoir besoin, mais que signifie telle parabole? Il expliquait encore. Il peut néanmoins dire que, va dire au peuple, mais au peuple et sache que c'est pour telle raison que je donne cet ordre. Dieu peut décider de donner, par exemple, laquelle il donne l'ordre ou de ne pas donner, il est souverain. Est-ce que pour quoi vous il a donné ou il n'a pas donné? Pour le fait le donner. C'est là où je suis, c'est là où j'arrive. Voilà. Et déjà la Bible, lui second est une Bible est rempli de blasphème. On va énumérer, on va aller de point par point, si vous voulez, point par point. Voilà. Rempli de blasphème. Le temps de citer déjà les premièrement, les... Non, attends, je voulais dire, n'est-ce pas? Non, je suis en train de comprendre. Je suis en train de dire que, je vais te répéter sa parole. Tu es tombé dans le point où c'est le Seigneur Jésus qui a dit que voici la chose, mais c'est l'explication de pourquoi on doit brûler 8 secondes. J'ai dit ceci. Oui. Parce que tu as dit que premièrement, 8 secondes a 6 des défauts. Quand Dieu donne, il peut donner la raison, comme il peut donner la raison. Réponds-moi, mon cher, est-ce qu'il a donné la raison, le pourquoi? Déjà, Dieu a dit, Jésus-Christ a dit pourquoi pour Philippe, c'est vrai, mais on s'arrête là. Mais, Dieu, j'ai donc pris l'exemple, montant que, comme Jésus, quand il parlait, ses disciples demandaient que, qu'est-ce que signifie encore cette parabole? Il apportait encore des éclaircissements. Néanmoins, il y a des choses que Jésus a dit et il lui a révélé encore le but pour lequel il le dit. Donc vous avez dans ces enseignements pour éclairer cette chose-là, il a dû donner davantage d'explications là-dessus. Oui, il lui a révélé même des points qui l'amènent à déclarer ça comme ça. Oui. Et ce n'est pas seulement lui second, nous sommes d'accord, ce n'est pas seulement lui second. Non, ce n'est pas seulement lui second. Okay, donc, il y a King James, il y a Tiemen Simmer, il y a bien d'autres. Et il a donc dit que dans Dabi, il n'y a pas de problème. Jésus-Christ lui a dit que dans Dabi, il n'y a pas de problème. C'est la Bible que l'épouse doit étudier en cette génération. Même s'il y a des erreurs dedans. C'est la Bible. Et il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Pourquoi la Bible maintenant? Je dis que Dieu a donné la Bible pour étudier et c'est. Et c'est ça. Mais il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas d'erreur. Pourquoi il n'y a pas d'erreur? La chose de Dieu n'a pas d'imperfection. C'est exactement ce qu'on voit maintenant. Voilà. Mais maintenant, d'accord, moi qu'on voit d'abord. Maintenant, un permet. Je voulais justement revenir là-dessus. Dieu l'a dit. Hein? Nous l'acceptons parce que Dieu l'a dit. Maintenant, s'il fallait qu'on aille là-dessus pour commencer à faire des démonstrations, nous ne ferons pas des démonstrations sur ce que Dieu a dit. Non. Regardez. C'est vous qui avez affirmé qu'on examine par rapport au prophète des mains. Et nous avons vu c'est par rapport au messager des mains, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a aucun. Dieu dit que c'est ça. Tu peux arriver, entrer dans des détails. Non, il n'y a pas de problème. Joseph, nous tous ici, nous sommes sans oublier que Dieu est parfait. Il ne peut pas faire quelque chose en mentant. Dieu ne ment pas, il n'y a pas d'erreur en lui. Il ne peut pas mentir. Et c'est ainsi également son porte-parole et son prophète. Le porte-parole de l'Éternel dira toujours ce que Dieu aura dit. Nous sommes d'accord. Voilà. Okay. Dieu a dit que c'est Bible, lui, David. Mais c'est toi qui allais continuer la phrase là maintenant. Tu peux dire non, je ne dis pas. Vous m'avez même coupé et vous m'avez permis de dire ce que j'étais avec dit. J'ai dit. S'il faut, quand Dieu dit, c'est Amen. Mais maintenant, mon cher, regarde, voici un problème. Le problème, c'est que c'est lui qui allait dire que Dieu a dit. Permettez. Première chose, c'est Kako Philippe qui dit que Dieu a dit. Permettez. Maintenant, en second point, oui. Dieu peut aussi révéler que pour telle chose, il dit comme ça, voici pourquoi je dis. Et d'après ce que tu as dit qu'il a dit. Il a voilà. Et maintenant, Dieu lui a révélé des points qui sont des points d'ombre qui dans la Bible second et autre. Premièrement, oui, ce que j'ai dit, c'est où j'étais. Premièrement,

sûrement peut-être tu as vu d'autres personnes de lui, tu as comparé à lui selon oui. Son poids, c'est une connaissance pour prêcher. Ok, bien, je pose la question. Est-ce que dans lui, second, si on lui dit lui, second, on ne peut pas comprendre que jusqu'à Dieu, c'est pas écrit, c'est que jusqu'à Dieu. Monsieur, monsieur, permettez. Oui, oui, oui. De qui c'est la relation des quatre points de doctrine? C'est de la Bible. De la Bible? Oui. Si tu veux te montrer ça dans la Bible, lui, c'est dans le petit. Frère, je vais te dire une chose, hein. Monsieur, oui, vous oui. Oubliez que si je rencontre Satan en route, il oui. Me dit Jésus est Seigneur. Oui. C'est vrai que Jésus est Seigneur, dit arrière de moi. Les vérités que vous avez prêchées, même si c'est point par point, et qui vient de toi, qui n'est pas, qui n'a aucun mandat de la part de Dieu, et qui te lève comme un théologien rempli de même enseignements que les pharisiens. Pharisiens. Même si tu dis la vérité point par point, on ne peut pas dire amen à ça. Ce n'est pas de moi maintenant là, ce n'est pas moi qui suis le problème. Attends, je dis, ce n'est pas de moi dans ces questions, c'est de la Bible dans ces questions. Et là, vous avez affirmé que on a dilué ça dans. C'est donc il a enseigné certainement que ça vient, c'est même pas dans écrit dans la Bible. Ok, ok. Il y a même il y a même ma voix. Donc, qui n'est même pas dans la Bible. Tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir. Je vais te poser la question. Non, donne-moi une de ces doctrines. Il a de dire des choses qu'il ne me connaît même pas encore. Il est assez mature. Si tu peux mentionner un enseignement qu'il a enseigné. Qui n'est pas dans la Bible. Ok. Ce que tu enseignes qui n'est pas dans la Bible. Tu as dit il y a plusieurs choses. Il doit avoir. Non, non, tu as donné la personne. Donc, dit, même si c'est un conditionnel, on continue. Il doit avoir. Si c'est un conditionnel que tu n'es pas au courant, on continue. C'est conditionnel. Okay, donc, non, et il peut avoir. Okay, non, en fait, il peut avoir. Donc, dans ce cas, tu n'es pas sûr. Donc, oui, oui. Oui, oui, oui. La question que je veux vous poser, parce que ça a rien de tourner, de tout marrant. Et la première question qu'il veut poser, il veut me répondre franchement. Absolument. À tout le monde, quand il veut. Si je te demande moi que pourquoi tu le dis. Oui. Il dit, n'est-ce pas? Tu as posé. Non, non, attends. C'est lui, attends, mon cher. Joseph, Francis. C'est Patrick qui me pose la question. J'aime ça qu'on me pose la question directement. Il m'a posé une question, j'ai répondu. Si vous voulez qu'on va dans la Bible, je vous montre cas par cas, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, je vous montre cas par cas, que la parole de Dieu ne vient pas seulement aux prophètes. Je vous prouve dans la Bible là maintenant. Si vous dites oui, je vous le prouve. Parce que dans un des trucs, je vais citer Kakou face à la. Je ne sais plus trop quand vous parlez là, parle simplement. Ça peut donner le mauvais esprit. Dans ce cas, ne touche même pas le sang qui le touche. Donc maintenant, regarde bien, n'est-ce pas? Dans l'un des écrits, par exemple, de Kakou Sévérin, il a parlé de la vision. Kakou Philippe, je m'excuse. De Kakou Philippe, il a parlé d'un rêve que l'un des garçons de Côte d'Ivoire, en la personne de Mvrap a fait, et autres, ils ont vu, ils étaient trois, quelqu'un qui était assis avec la paix et les Bibles à côté. Il a donné l'interprétation en disant que s'ils avaient compris que l'interprétation des songes vient au prophète, ils auraient dû comprendre que c'est cette Bible-là qu'on a écrit. C'est ce qu'il a dit dans ses écrits. Or, si Kakou Philippe était un prophète de Dieu, connaissant la parole, serait que ce n'est pas seulement le prophète d'interpréter la parole des songes. Ouais. C'est dans les oreilles, c'est dans les yeux, en l'air comme si ce que vous dites est vrai. On peut vous démontrer, même par le mémorial, que ce que vous dites est faux. C'est pas vraiment par le mémorial. Allons dans le livre. Le mémorial, ta vie. Que Dieu revêt sa parole à tout le monde. Non, attends, suis-moi bien. Suis-moi bien. Pourquoi ne se mettons pas comme ça? Suis-moi. Si on tente de demander là, vous voyez que Dieu a parlé au prophète. Mon cher Patrick, tu m'as posé une question. Oui. J'ai dit ceci. Dieu révèle sa parole à qui il veut. Donc Dieu, la parole de Dieu ne vient pas seul. Je commence encore ici. Pourquoi tu ne dis pas que je suis en train de mentir? Je ne sais pas, ou pas, je comprends. Il dit pourquoi tu ne dis pas que je suis en train de mentir? La parole de Dieu ne vient pas seulement aux prophètes, je le dis. Bon, si ne vient pas seulement aux prophètes, parce que moi j'adresse et confirme que la parole de Dieu vient aux prophètes, à un prophète. Tu dis à un prophète, oublie aux prophètes. Parce que chacun a un prophète. Laisse-moi parler avec lui, s'il te plaît, comme ça vous allez contrôler cela. Monsieur, c'est pas trop. Non, c'est lui qui parle, non, il a déjà parlé. Vous avez dit qu'il est en train de m'interdire de parler. Vous êtes en train d'interdire. Mais c'est pas parce qu'au moins ça me parle. Lui-là, il m'a coupé depuis pour ce que je disais. C'est pas moi qui ai posé, c'est lui qui a parlé. Non, pas lui, toi. Je m'arrête. Il m'a dit qu'il est journaliste. Et j'ai même dit quelque chose qu'il m'a ordonné. Francis a dit aujourd'hui là que la Bible, c'est l'écrit. Il a dit ordonné. La Bible, voici ce qu'il a dit. C'est l'assemblée des livres des prophètes. Voilà. Et je lui ai dit que s'il ne connaissait pas, qu'il ne peut pas prendre renseignement que le livre des Esdras n'est pas écrit par un prophète. Le livre d'Esdras n'est pas écrit par un prophète. Le livre de Néhémie n'est pas écrit par un prophète. Le livre des Proverbes, chapitre 30, chapitre 31, ne sont pas écrits par des prophètes. Matthieu, Marc, Luc, Actes des Apôtres ne sont pas écrits par des prophètes. Dites-moi le contraire. Et c'est écrit par qui? J'ai dit que ce n'est pas écrit par le prophète. C'est pas ça, oui ou non.